بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من تبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد ما كانت القاعدة الثانية هذا ما هي الله أعلام وأوصاف نعم يا أعلام sont des noms propres qui tous sont des noms d'Allah سبحانه وتعالى revient une seule même chose et sont des أوصاف descriptifs qui font que chaque descriptif est différent de l'autre. طيب احسنت. والثالثة اسماء الله اذا دلت على وصف متعدي يدخل يتضمن ثلاثة اشياء. نعم ثلاثة امور. ثبوت يعني ثبوت الاسم ثبوت الاسم لله نعم ثبوت الحكم نعم المقتضى من هذه الصفة وطيب وإذا كان يعني دلت على وصف غير المتعدي une chose qui n'a pas d'influence sur la création الاسم الصفة نعم il n'y a pas de jugement tiré en soi mais le muqtada par rapport à la créature donne-moi un exemple d'un sifa muta'addiya un ism yani, qui contient une sifa muta'addiya rahim ar-rahim ou un qui est lazim hay al-hay ahsanta qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala al-qa'idatu al-rabi'a quatrième maintenant intabi al-hadith al-tibi Ashia, des choses qui te servent même en dehors des asma'u sifat. Une règle qui sert à beaucoup de choses. Qala, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dhatihi wa sifatihi takounu bil mutabaqa wa bil tadammun wa bil iltizam. Que les choses prouvées par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son essence et ses sifat se trouve par quoi? Par le mutabaqa. Al-mutabaqa. C'est-à-dire ce qu'on a traduit comme étant une chose en conformité ou identité, similitude, hawla hadha. Mais j'aime pas trop traduire, parce que là, c'est pas trop ça. Wa tadammun. Tadammana, tadammanu, c'est un fiat qui veut dire le fait de contenir. Tadammun serait la contenance. Wa iltizam, l'implication. طيب ما معنى هذا المتابقة دلالة اللفظ على جميع أجزاء معنى c'est-à-dire que dans le mutabaqa ça inclut tout ce qui est concerné par la chose que tu veux démontrer toutes ces parties un exemple kalimat masjid L'oqilalak masjid, on te dit un masjid. C'est quoi que tu conçois quand on dit un masjid? Toute la bâtisse, l'édifice, le toit, les fenêtres, la porte, le firash, pas même les piliers, tout ce qu'il y a dans un masjid. Le mot masjid pour toi implique tout ce qui pour toi prouve un masjid complet avec toutes ses parties et tout ce que cela inclut. Ça c'est le mutabaqa. Ça veut dire ala jami' ajza ma'na, tout ce que le sens inclut. Tous les sens compris dans cette dans ce mot-là viennent dedans. Thanian, tadammun. Tadammun, la contenance. Dalalat ala juz ma'na. C'est-à-dire ça te démontre une partie du sens. Un exemple, on reste avec le masjid. Si on te dit un masjid, tu vas penser la porte. Le masjid, il a une porte. Tu pourras penser la fenêtre, tu pourras penser au tapis. Tu vas penser à une, tu dois penser à une chose, tu penseras à une chose qui est dans le masjid. Ça pourrait être le firosh, ça pourrait être le minbar. T'as même? Ça veut dire, on te dit, si on te dit un masjid, yatadamman minbaran, masalan. Un masjid contient forcément un minbar, à la base. Fahimt? Il contient forcément une porte, ou plusieurs. Il contient forcément fenêtre. Il contient forcément des piliers au relais d'Alika. Donc le mot masjid est une preuve de l'existence de la porte, est une preuve de l'existence des piliers, est une preuve de l'existence du firash ou du minbar. Un juz, une partie du sens du mot masjid. Et l'iltizam, dalala, ala shay kharij anhu, une chose qui est extérieure à cette chose-là. Mathalan, l'implication, un masjid, qu'est-ce que ça implique? Qu'il y a eu un constructeur, qu'il y a eu un plan d'architecture qui a été fait, qu'il y a eu du ciment qui a été déversé, qu'il y a eu, mathalan, un menuisier qui a travaillé pour faire le minbar, mathalan. Ça, c'est des choses que le masjid te prouve que ces choses-là, on en a eu besoin, elles ont eu lieu. Maintenant, est-ce qu'un menuisier est forcément dans le masjid? Là. Est-ce que le sac de ciment, forcément, est lié au masjid? À l'intérieur, non. Mais tu sais que pour faire le masjid, on a besoin de ciment, de béton. Donc ça, c'est l'iltizam. Ça, c'est adilé par implication. Ça implique telle et telle chose. Fahim ta'ala? Taïe. Maintenant, il va te donner cela en appliquant avec le nom d'Allah Azza wa Jal. Misal zalika al-khaliq. Yadullu ala zati Allah wa ala sifat al-khalq bil-mutabaqa. Donc le mot khaliq, le créateur, bil-mutabaqa, ça nous prouve l'essence d'Allah Azza wa Jal. Car le khaliq, c'est qui? C'est Allah. Donc ça nous prouve l'existence d'Allah, son zat. Et également, ça nous prouve quoi? Sifat al-khalq. Le mot khaliq, le nom khaliq, ça va t'indiquer Allah Azza wa Jal. Et également, sifat al-khalq. Ça va avec. Tamam? Yadullu ala zat wahdaha wala sifat al-khalq wahdaha bil tazammun. Maintenant, bil tazammun, al-khaliq, ça peut être soit pour toi Allah tout seul. Men al-khaliq. Ou Allah, ça peut te suffire à te démontrer que Allah existe. Tadammun. L'al-khaliq, tadammun al-zat. Zat man, zat illah. Ou alors, tadammun, ça peut être quoi? Sifat al-khalq, wahdaha. Ça peut être Allah tout seul, ou ça peut être la sifat tout seul, du khalq. Le mot khaliq, tu peux t'amener ou à ça également. Fahimt? Taïb. Si on te dit le khaliq, tu penses à qui en premier? Allah Ta'ala. Si on te dit Al-Khaliq, à quel sifat tu vas penser? Al-Khaliq. Hala. Fakat. Wa yadullu wala sifat al-ilm wa kudra bil-iltizam. Bil-iltizam, Al-Khaliq, ça implique d'autres sifat. Celui qui crée, forcément, la quoi? La kudra. Fahimt? Et la kudra implique quoi? Ism al-Qadir. Ou al-Qadir. Kazalik, al-ilm, celui qui crée, forcément, il connaît. Donc ça va impliquer quoi comme sifat? Al-ilm. Wa bi ismi al-alim. Al-khalq, bil-iltizam, qu'est-ce qu'on en tire également? Al-kuwa. Fahimt? Al-kuwa. Il faut forcément avoir de la force pour faire cela. Fahimt? Ta'ala, comment ça t'amène à tout cela? Mutabaqa, ça t'amène à toute la chose complète avec toutes ses parties. Yani zekana fi zatillah, ça t'implique son zat et ça t'implique la sifat qui va avec le nom. Tadammun, ça implique l'un des deux. Ou le zat, tout seul, ou la sifat, tout seul. Et le tizem, ça t'apporte à quoi? Deux sifat. Qui forcément sont liés à celles-ci, qui vont avec. Wa lihada, lama zakara Allahu khalq as-samawati wal-ard, qala li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir, wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. C'est pour cela que Allah, lorsqu'il a cité la création des cieux et de la terre, il a dit dans le sens, pour que vous sachiez que Allah est omnipotent et que Allah a sauvé toutes choses par sa science. C'est-à-dire pour que pour créer les cieux et la terre, cela implique forcément quoi? Al-Qudra Tam. Tam et l'ilm, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle a dans le Coran, elle le dit. En voyant cette création des cieux et de la terre, cela t'implique forcément quoi? Tu penses à la Qudra d'Allah Azza wa Jal et à son ilm. Wa dalalat al-iltizam مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للالتزام فإنه بذلك يحصل على الدليل الواحد على مسائل كثيرة. Et la masala de l'iltizam, l'implication, C'est une chose qui est très profitable pour le talib. Car par cette dalala, il pourra trouver plein de masailles différentes à partir d'un seul point. Il pourra en sortir d'autres, déduire d'autres masailles. Un point, mathalan, va t'emmener à en déduire d'autres points. Un point que tu vas apprendre va t'emmener à en déduire, ça veut dire qu'il y a telle chose également. Ça veut dire qu'il y a telle chose également. Ça veut dire qu'il y a telle chose également. Mathalan, quelqu'un qui rentre dans la masala del wudo, t'as même le wudo, ça va impliquer quoi également? Qu'ils connaissent les points de l'eau. Ça va amener à quoi? Les récipients également qui vont avec. Donc, quel récipient tu fais l'eau ou pas? Une mas'ala, t'en as plus que d'autres derrière. Et celui qui a un bon fahem, qui est mouafak, comme il le dit le shir, il va te faire des stinbat avec une mas'ala, plein de mas'ala. Et c'est là qu'on te voit son fiqh. C'est là que tu vois qu'il commence à un faqih. Il va te sortir un hadith, comme les ulama y font, il va t'apporter des mas'ala, t'aurais jamais pensé à ces mas'ala-là. Il va te dire de ce hadith-là, on dit telle et telle chose. C'est-à-dire, ah, subhanallah, je vais pas penser à ça. Et telle et telle chose, et telle et telle chose, et telle et telle chose. Par exemple, Sahih al-Bukhari, le Kawi, il est ma'louf pour ça. Même des ulama jusqu'aujourd'hui, Abouab qu'il a fait, il se dit, qu'est-ce qu'il va dire par là? Ou c'est quoi le waj du shahid dans son hadith là? C'est quoi le témoin qui amène à porter ce chapitre qu'il a mis dans le livre? J'ai pas compris. Et pourtant, il est là, il y a une chose. Mais nous, on n'a pas compris. Ou t'as des ulama, ils ont compris, d'autres, ils n'ont pas compris. وعلم أن الالتزام بقول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق لأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. Donc maintenant, ce qu'implique la parole d'Allah et celle de son messager lorsqu'elles ont été authentifiées, un hadith qui est authentique, cela implique des choses, car ça implique des choses, mais qui sont réelles, qui sont vraies. Quand même, dans des hadiths, cela y aura des lawazim haq. Dans des ayats, tu auras des lawazim haq. Et pourquoi il dit haq? Pour sortir les lawazim batila que déjà ils ont fait. Mathalan, déjà ils ont fait comme lazim, comme les mu'attila. Si Allah il a des mains, c'est-à-dire qu'il a des mains comme les nôtres. Ça, c'est un lazim, il est batil. Ils vont dire, si Allah il a deux mains, cela implique que ses mains, elles sont comme les nôtres qui nous ressemblent. On dit là, l'Iyan Allah Azza wa Jalla, qu'on a l'Eysa Kamis Lihi Shei. Il n'y a rien qui est comme lui. Donc ton lazim là, il est baratil. Dans le Coran, il a été refuté. Donc le lazim du haq, du kalam Allah, de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, on doit les prendre. On doit les prendre. Amma al lazim min kol ahadin. Sawa kolillahi wa rasoulihi, sallallahu alayhi wa sallam, falaw salaf halat. Maintenant, et la wazim décolle des créatures en dehors de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a trois situations. Quand quelqu'un y parle, il faut dire une kouli qui alzem kaza de ta parole, c'est-à-dire que telle et telle chose. Telle et telle chose. Et là, il va expliquer les trois situations. Al oula an yathkur al qa'il wa yaltazim bihi. Mithl an yakoula man yanfi al sifat al fi'liya liman yuthbituha. يلزم من إثباتك الصفات الفعلية عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزل فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Donc première situation, c'est qu'une personne dit une parole et il se tient à ce que sa parole elle implique. Il accepte, il le reconnaît. Mathalan, comme quelqu'un qui dirait, celui qui refuse les sifat, un mu'attil, il dit à quelqu'un, à celui qui, mathalan, qui lui affirme les sifat fi'liya, c'est que Allah il fait comme il veut, comme quand il veut, il lui dira quoi? Bah, si jamais tu dis que Allah a des sifat fi'liya, c'est-à-dire que ces sifat, quand même, elles se renouvellent. Et tu te dis, na'am, je reconnais qu'elle se renouvelle. Maintenant qu'elle se renouvelle, ne veut pas dire que cette sifat-là n'a pas toujours été existante depuis auparavant. Mathalan, Allah, min sifatil fi'liya, ad-duhak, il rigole. C'est-à-dire qu'à des moments, il va rigoler, à d'autres moments, il ne va pas rigoler. Au moment où il va rigoler, ça va être une chose qui est hadith, qui se fait, et après qui s'arrête. Quand même. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'a jamais été depuis toujours? Ça ne veut pas dire cela. depuis toujours, même bidoun bidaya, que Allah a toujours été décrit comme étant yadhak. Quelqu'un peut s'imaginer qu'avant il ne le faisait pas, donc il n'avait pas la sifat, maintenant il l'a. On dit non. Il l'a fait quand il veut, maintenant ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas déjà été décrit par cette sifat-là auparavant, depuis toujours. C'est pour cela que dans le Coran, Allah a dit, dans le sens que si jamais là-bas, la mer était une encre pour les paroles de mon Seigneur, que la mer serait épuisée avant que ne se finisse les kilomètres de mon Seigneur, même si on venait avec cette même mer en plus en encre. C'est-à-dire que les paroles d'Allah Azzawajal sont plus grandes encore et plus nombreuses que ce qu'on pourrait imaginer. وقال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Et que même si ce n'est sur terre que des arbres en tant que plume et la mer en tant qu'encre, cela n'aurait pas suffi. Et qu'on enregistre encore sept mers par la suite, cela n'aurait pas suffi pour pouvoir écrire toutes les paroles de Allah Azza wa Jal. Et Allah, certes, est puissant et sage. قَالَ وَحُدُوثْ أَحَدْ فِعْلِهِ تَعَلَى يَسْتَلْزِمْ نَقْسَنْ فِي حَقِّهِ. Et le fait qu'une action d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accomplisse à un moment et pas forcément à un autre, n'implique aucun manque. Cela n'implique aucun manque. Donc ça, c'est le premier hal. Celui qui dit une chose, il accepte ce qu'implique sa parole. Il dit « Naam, je reconnais telle chose ». الحال الثانية أن يذكر له ويمنع اللازم بينه وبين قوله مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته فيقول المثبت لا يلزم ذلك. مثلا maintenant quelqu'un dit une parole et malgré cela il ne reconnaît pas ce que pourrait impliquer sa parole par quelqu'un d'autre. Un exemple parmi ceux qui affirment les sifats, il dit que Allah, il a des sifat, telle était sifat. Donc, un mu'attil lui dit, ben, cela implique de ta parole que Allah ressemble à la création. Il dirait non. Cette application, je n'accepte pas. Mon kalam ne veut pas dire cela. Donc là, maintenant, il y a un tafi en el-tizam. Il dit non, ana maltazim bihada. Maltazim bihada. لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما أرزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات. Et dit, نعم, j'accepte d'appliquer la sifat. D'accord ? D'une façon qui revient à Allah, Azzawajal, Taliq Obihi, et qui lui est propre. Tout comme toi, Ayouen Nafi, il parle à celui qui refuse la sifat, tu acceptes que Allah, il a un zat, une essence. Il va dire, Naam. Il va dire, est-ce que pour autant son zat est comme la création ? Il va dire, non. Il va dire, ben moi, les autres sifat, c'est la même chose. Et il n'y a pas de fork entre le zat et les sifat, comme on avait dit dans le Tadmouriya. Ce que tu appliques pour le sifat, tu l'appliques pour le zat. Il n'y a pas de différence. Et le sifat entre elles, Kazalik, il n'y a pas de différence. Donc il dit وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. Donc le lazim dans ces deux masala il est apparent. الآن الثالثة يقول أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالالتزام ولا منع فحكمه في هذه الحال ألا ينتصب أو لا ينصب للقائل لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع الالتزام فيحتمل ولو ذكر فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد المرزوم. Donc il dit maintenant il se peut que ce lazim, celui qui a parlé, il a dit un kalam, ce qui applique ce kalam là, lui ne dit rien derrière. Donc tu ne peux lui appliquer ce tilzam. Pourquoi ? Car il se peut qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a dit. Des fois tu dis un kalam, ce qu'elle a, il y a des lawazim derrière. Des fois qui sont très graves. Mais la personne en parlant ne s'en est pas rendu compte. Donc tu ne peux pas dire à cette personne-là, lui, il dit telle et telle chose. Pourquoi ? Parce qu'on déduit de sa parole telle et telle chose. Demande-lui d'abord, est-ce qu'il reconnaît ça ou pas ? Parce qu'il se peut qu'il dit, ah, j'ai pas fait attention, je reviens à ce que j'ai dit. Donc lui, tant qu'il n'a pas parlé, tu ne peux lui imposer un lazim de son col. Tu ne peux lui imposer un lazim de son col. Tant que tu ne l'as pas demandé. Et ça arrive souvent. On parle, on a des calèmes, on ne s'en rend pas compte. Quelqu'un dit, hey, tu sais ce que tu viens de dire là ? Il dit, oui, je dis telle ou telle chose. Il dit, bah, qu'est-ce que ça veut dire, ça, telle ou telle chose ? Ça veut dire ça et ça et ça. Ou du coup, faut de la bida. Tu te dis, astaghfirullah, je ne voulais pas dire ça. Talaja, il revient, ce qu'il a dit. Et tu en as d'autres, par contre, ils vont jouer. Il dit, non, tu n'as pas compris, je voulais dire. Non, tu dis, Harry, ton col, il veut dire telle ou telle chose. Est-ce que tu as le tazimbi, amlé ? Tu acceptes ce que cela implique ou pas ? Soit tu dis non, c'est fini, soit tu dis oui, et là, narkoma alek. Et l'autre, essaie de déjouer, de sauver. Tu dis non, tu ne sauves pas, assume ce que tu as dit. Ils aient le tazama bihi, et que son col, c'est une bidar du kouf. Narkoum, on lui fait commenter le hujja, il n'accepte pas, kaza wa kaza. Et si, après, dit non, je ne me suis pas rendu compte de ce que veut dire cette telle et telle parole, alors lui, Massalen, tu ne peux lui appliquer telle chose. Massalen, une masala qu'on a vu souvent, de ceux qui disent que l'azan de Hoffman, c'est une bidar. Il y en a qui vont dire, on dit là, abadan. C'est pas toute personne qui fait une bida qui nous t'a dit. Donc votre ilzem, il est batil. Mal dans zimbihada. Parce qu'ils vont dire ça, eux. Donc demande à la personne. Tu le dis, c'est pas toute personne qui tombe dans la bida qui est forcément nous t'a dit. Ou le kouf, pareil. C'est pas toute personne qui fait du kouf qui est forcément un kafir. Donc là, tout le zim dibihada, tu le dis. Ne me contrains pas à dire cela parce que je ne l'ai pas dit, je ne le pense pas. Donc le wazim, c'est un même qui est khatir. Il faut toujours bien débattre avec les personnes dans ce qu'ils disent. Après, tu as des fois des wazim, ils sont wadih. C'est quelqu'un qui te dit que les. Mathalan te dit que les chrétiens et les juifs sont nos frères en religion. Tu leur dis cela implique que leur religion, elle est valide. Car Allah Azzawajal dans le Coran, il y a cool. C'est les croyants, son frère. Donc pour toi, ce sont les croyants, les juifs et les chrétiens. Là, il va dire, ah, je ne me suis pas rendu compte. Il revient ce qu'il veut dire. Sinon, il va essayer de jouer. Là, ce qu'il n'est pas sincère. Sinon, il va dire, naam. Il dit, ça, c'est du coup ce que tu es en train de faire. Ce maqal, فَإِذَا قِيلَ إِذَا كَانَ هَذَا اللَّازِمَ لَازِمًا مِنْ قَوْلِهِ لازم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر ولو حالات نفسية خارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يخفل ويسهو أو يسهو وينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير التفكير في لوازمه ونحو ذلك. Donc comme on a dit, si quelqu'un dit ton col, on est obligé de prendre le lazim de ton col. Oh ben, on dit non, c'est pas obligatoire. Parce que des fois la personne, comme on a expliqué, peut avoir des situations, elle parle dans un moment de colère, un moment d'euphorie, ou un moment de... ou elle ne s'est pas rendu compte de ce qu'elle a dit. Et il se peut que le lazim de son col, à la base, lui, met à Tarkedo. Il ne le voit pas. Donc tu ne peux lui impliquer cela. Tu peux lui, le contraindre à dire ton col, c'est-à-dire telle chose, c'est-à-dire toi, tu es telle et telle personne. Il va dire non, on ne s'est pas rendu compte. Ou alors, il va peut-être te montrer un wedge qui fait que le col, là, Shalan, il a un wedge que toi, tu ne connaissais pas. Donc ton ilzem, il est bâti. Comme par exemple, quelqu'un qui va te dire si tu dis qu'Allah, il a des mains, c'est-à-dire que ses mains sont comme les nôtres. On va dire non. Donc là, il va te dire, خلاص. Là, tu le dis, بهذا. D'accord ? Ou des fois, des gens, ils sont pris un peu de fougue. Ils ont une munazara avec quelqu'un, ils parlent. Dans la fougue, il veut répondre à son opposant d'une parole. Il s'en rend pas compte, c'est une parole, elle est grave. Il a juste voulu répondre. Il aurait dû se taire, ça aurait été mieux pour lui. Mais il a voulu répondre quand même. Il a dit une parole qui, à la base, lui, n'a pas pour croyance. Le lazim son col, il s'en rend pas compte. Donc là, tu dis bien, Harry, tu as dit telle et telle chose. Tu te rends compte de ce que tu as dit là ? Est-ce que tu reconnais ce que tu as dit là ? Est-ce que ça veut dire telle et telle chose ? Il est, normalement, il doit s'arrêter. Et faire un tarajur. Et s'il persiste, là, c'est autre chose. Donc ça, c'est la qaïda qu'on a appris là, qui est que Asma'ullahi wa sifatuhu yantabik alayha dalalat al-mutabaka wa tadammun wa iltizam. ثم قال القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. Que le nom d'Allah Azza wa Jal sont توقيفي, ça veut dire basé sur un dalil, un décret divin. Il n'y a pas de place pour le عقل dans ces noms. Pourquoi est-ce que le عقل chez les gens تختلف? La raison chez les gens, elle diffère. Donc si chacun vient avec son عقل, on peut aller loin comme ça et tomber dans maintes divergences. Une personne va voir telle telle chose, elle est bonne. Donc il va dire ça, c'est Yaslou an yakun isman lillah. Et quelqu'un va la voir qu'elle n'est pas bonne. Il va dire Hadam Yaslou an yakun isman lillah. C'est pas bon que ce soit un ism d'Allah. Donc là, on s'arrête à quoi? Au dalil. Lakin, al-aql law ma jal min hayth madha, que le aql, il y a des choses que lui-même accepte et conçoit. Mathalan, le aql, forcément, voit que Allah, il est kawi. Quand tu vois la création, tu dis. Donc là, la kouwa, ton aql, il va la déduire. كذلك الوجود que Allah il existe, ton aql il va le déduire ça aussi, il y a une place, mais à la base ce aql والذي يعني يوافق النقل الصحيح, ton aql il est quoi, en conformité avec les textes authentiques. Mais maintenant tu ne veux pas dire que ton aql donnait un nom à Allah Azza wa Jal, min aqli ana aqul anna min asma'i illahi kaza, tu dis tu ne peux pas. T'as un dalil, là tu ne peux pas. Là tu te bites. On ne te dit pas que ce n'est pas le nom d'Allah, il se peut que ce soit un de ses noms, en tout cas on n'a pas de dalil. Là il se bute l'Allah Isman. Parce qu'on fait attention des fois, quelqu'un va te dire ça, ce n'est pas le nom d'Allah Azza wa Jal. Il dit pourquoi il n'y a pas de dalil, tu ne sais pas. Dis, mais il se bute l'Allah. Attention à ce que tu dis. Il se peut que ce soit un nom d'Allah qui est caché auprès de lui que tu ne connais pas. Tu ne peux pas l'affirmer, ni le renier, à part s'il y a un axe dedans. Clair qui apparaît, là tu peux le renier. Mais tu as des asma, mesalen. Quelqu'un va te dire, ça c'est pas un nom d'Allah Azza wa Jal. Tu te dis, là, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il faut dire, c'est un nom qui n'a pas de preuve. On ne peut l'affirmer. Parce qu'il y a des noms d'Allah Azza wa Jal, on ne le connaît pas, comme tu le sais. Comme cela va arriver dans les Qur'an d'après, que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas limités à un nom connu auprès de nous. قال وعلى هذا فيجيب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة لا يزاد فيها ولا ينقص. Donc là, on s'arrête. À ce qui est venu dans le kitab al-sunnah, ni on en rajoute, ni on enlève. لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء. Que le عقل ne peut en lui-même concevoir ce que Allah mérite comme nom. Comme nom. فوجب الوقوف في ذلك على النص. لقول الله تعالى ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Donc là, on doit s'arrêter à quoi, nous, au texte. Comme dans le Coran, il dit dans le sens, ne recherche pas ce dont tu n'as pas de science, certes, l'ouïe et la vue, et le cœur seront interrogés. Wa qulu ta'ala, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wal ithmu wal baghi bighayri al-haq, wa an tushriku billahi ma lam nazzil bihi sultana, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Il dit que mon Seigneur a seulement interdit les turpitudes, celles qui sont apparentes ou cachées, et le péché, ainsi que l'injustice sans droit, et que vous associez à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. وَلِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُسَمِّي بِهِ نَفْسَهُ أَوْ إِنْكَارَ مَا سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ جِنَايَةٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى فَوَجَبَ سُلُوكَ الْأَدَبِ فِي ذَلِكَ وَالِاقْتِصَارَ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ النَّصُّ. Car le fait de nommer Allah par ce dont il ne s'est pas nommé, ou alors renier un nom qu'il s'est attribué, cela est un crime dans son droit, un délit envers lui. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir le bon comportement et se limiter à ce qui est venu dans le texte. Et se limiter à ce qui est venu dans le texte et s'en contenter. Wafi kifaya. Et c'est là-dessus qu'étaient les salafs. Rahimahumullah. Taïb. Hada lazi akhadna al-yom. De Qaïda. Quatrième et cinquième. Et la cinquième qui est que les noms d'Allah Azza wa Jal, ses sifat, sont tawqifiyya. Bien que la raison peut concevoir des sifat. Quand même, peut les concevoir. Maintenant, la tusbituha bil aqlik. Mais tu dis, yufham min hadha anna Allah kaza wa kaza. Après, tu demandes, tu regardes. La tusbit. Faut que tu aies un dalil derrière. Faut que tu aies un dalil derrière. Fahimta hadha? Taïf, fa ila huna. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك